C'est ce qui compose très bien une tourtière matinale. La viande, puis non, t'as un peu matinale, matinale du bacon. OK. Un peu plus de bacon encore. Mm-hmm. Du ketchup, puis du bacon. Puis une portion additionnelle de bacon sur le side. Oui, oui, ça prend l'extra bacon, puis petite saucisse, patate à déjeuner. Hey, moi, j'ai faim. Ben, moi aussi. Deux tranches de bacon sur le side, là. Ça résume très bien. Et assemblage requis, voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 25 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Non! Non! Faux! Je dois te reprendre, je ne crois pas. Ah! Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui! Oui! En remplacement de Jean-Philippe Charbonneau. Ah! Qui est encore à New York. Je me suis acheté des odorisants qui sent les bonbons. Ouais. Mais là, ça donne faim pour des bonbons tout le temps. Ben, ça va pas bien. Ça va pas bien, Pantoute? Et non, Mathieu, je ne sentirais pas ton sous-bras. Pas les cheveux, non. Non, ça va. Ça sera une autre semaine. On surveille ça, Simon. Merci. Oui. Merci beaucoup. Oui. On continue de faire comme ça. Et on vient que je retrouve les vendredis matin. C'est comme une cigarette. Tu sais, des cigarettes avec des longs embouts, là. Oui, oui. C'est le primer. Le primer quand les cochons. Exactement. Je viens de penser à ça, drette de même. Garde ça, gars. Mon cerveau, clac, il marche clac, de même. Clac, clac. C'est Hamster, oui. J'ai un nouveau segment qui s'en vient. Au panneau, c'est fou. C'est excitant, hein? C'est super excitant. C'est la face que t'as faite quand je fais... Ça a lieu cette semaine sur votre portail. En fait, il y aura aujourd'hui même, dans notre diffusion originale du lundi. Mais dernier, c'est pas ses meilleurs moments. Donc je peux ça me surprendrait. À moins que tu dises quelque chose de bien drôle. Stéphanie a un nouveau segment à nous présenter. Je te laisse, il y a le... Ah, ben, mon Dieu, parle à tout, on va en parler après. OK! Jeez Wisdom, ta personnalité, personnalité. C'est avec du vrai cheddar canadien. Donne la personnalité. Dans le fond, vous avez enregistré Cheese Quiz. Non, non, c'est même dans la vraie pub. C'est la vraie tune. Hey, à quand notre premier album, Mathieu? Un duo. Des tunes de publicité refait. On les refait toutes avec des noms. Chaque chronique pourrait avoir son intro comme ça. Oh. Ce serait pas pire. Feeds Beat. C'est tout le temps sur le même air. C'est tout ça, de Cheese Quiz. Jean-Philippe Charbonneau est de retour. Oui. De retour de son voyage, de son périple, ses péripéties à New York. Content de te revoir. J'ai failli vous appeler, mais... C'est 1,75 hein, la minute. Ah, c'est capable de se payer 5 piastres de hot dog, mais ça ne paiera pas 1,75 pour parler à Mathieu et Stéphanie. Ah, ben, je vais peut-être pas payer pour le hot dog. T'as volé un hot dog? Oh non, il m'a dit 5 piastres, j'ai dit, haha, mangez une saucisse. C'est ça. Chronique Télévision, Télévision, même pas de petites blagues, d'intro, rien. Tu sais, j'ai même pas pensé à ça, t'as vu. À frette, on va s'appuyer sur des petits boutons. Petit bouton. Pour non. C'est la bosse de Jean-Philippe. Elle n'est pas partie encore. Non, elle est toujours là. Non, toujours là. Mais est-ce qu'elle contrôle la télévision, elle? Est-ce que non. Tu peux faire channel up, channel down, ta bosse, dans le coup? Non, j'ai tout essayé. C'est pas toi qui m'avais dit que c'était pas Kia, c'était Stan, même en français? C'est pas toi, ça? Je sais pas. Il me semble que j'entends ça quelque part. En tout cas, c'est pas moi parce que tu me l'apprends, sauf qu'on va dire une table. Une table. Je serai là pour informer les gens. À la table. Je serai à la table. C'est beau, c'est une table de bois. Non, mélamine. Non, mélamine. Jean-Philippe a vu ma prochaine question bonus. Est-ce ouais. Que tu l'as vu, toi? Brièvement, mais c'est ça. C'est ça ouais. Je vais la faire quand même. Vas-y. Hein, parce que tu y attends. Bruno Lemaire Corbeil, directeur général des élections de la GQTA. T'es-tu un maire ou une corbeille? Ou encore le maire des corbeilles? Non. Non, je sais pas dans mon arbre généalogique s'il y avait des mères ou des corbeilles, mais c'est peut-être pour ça que j'ai des bras en métal. Ce matin, j'ai fait un mirage, je me suis préparé en 30 minutes au lieu d'une heure, je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est gratuit. Mais ouais, c'est ça. Mais je mangeais mes toasts d'une main, j'ai tiré mes cheveux de l'autre et je m'habillais avec mes jambes. Les cheveux graisseux, c'est pour ça, là. Mais non, ils sont super beaux. Ben oui. Hey, ça va, toi? Oui, ça va. Oui. Excusez du retard. Non, ben c'est pas grave. T'as vu qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mettons? Ma matin, c'est rien. J'ai juste pris ma douche. Ça, c'est un peu plate. Mais il y en a. David Ferron qui vient d'arriver, qui est déjà stressant. Il vient juste d'arriver puis commence à claquer de même. On n'entend pas, hein? Ah! Il y a déjà assez de bruit dehors, David Ferron. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis je dis pas ceci. Imitation parfaite de David Ferron. Arrive! comme on dit, pas besoin d'être un rocket scientist pour savoir ça. Ça existe pour vrai, ce métier-là. Ça, mm-hmm. C'est un scientifique des fusées. Et non pas des petits bonbons. Non, des roquettes. Les roquettes. Ni le joueur de hockey, le rocket. The rocket. The rocket. Ou l'instrument de cuisine, le rocket chef. Oui, ou le popsicle. Le rocket popsicle. Merde, tu gagnes. J'en ai plus. Passe. Oh yeah! Sport, fais l'activité physique, sortez dehors, vivez la vie. Le printemps est aux portes, fait super beau à matin. Regardez les filles passer, c'est un sport. Oui. Cool. C'est un sportif. On va retourner à nos notions. Ça dépend si ça implique une activité physique. Activité musculaire, tes yeux, où tu peux le faire comme à l'italien. Genre, tu vois une belle fille passer, fais maman, maman. Maman, maman. Caliente. Caliente. Oh non, ça revient. La notion d'entraînement méthodique, on peut devenir meilleur à ça, j'en suis convaincu. C'est vrai, hein? je suis rendu maître. On va faire une petite antenne. Finalement, la notion de règles et de le respect, ben là. Il y a des règles, on sait, c'est des règles, et voilà. Et on vient d'accueillir en studio Anne-Lise Durocher. Bonjour à toi. Bonjour. J'espère que ta journée va aller là, dans le bon sens. Fait soleil dehors. Je sais, je suis comme, non, ça part bien mal ma journée. Mon adresse courriel envoie plein de mass mail. Fait que si vous recevez des courriels de ma part. Ah oui, j'en ai reçu un hier. Mais en tout cas, ne les ouvrez pas. Pour vrai, oui. Dans la vraie vie. Oui, oui. Wow. Mais non, mais il envoie vraiment comme à plein de monde. On va t'appeler Spam Julie Durocher. Genre, je sais pas ce qui se passe. Spam Julie Durocher, genre. Oui, Spam Julie Durocher. Ouais. André, ta chronique est très adorée par bien des gens, donc c'est populaire. J'ai eu mon premier fan dans la rue cette semaine qui a dit « J'aime ta musique d'intro ». Je dis « Ok, cool. Merci. » Quand même, t'aimes-tu la suite? Si seulement c'était quelque chose que t'avais choisi toi-même, ce serait comme toi valorisant, mais c'est moi qui l'ai choisi, fait que je vais prendre ça moi comme un compliment. Ben oui, ben félicitations Mathieu, merci. J'ai pas de... T'as pas de... avec le... sur... avec le... dans le... C'est ça. Pas de dans le. Sur. Tu sais, avec le. Méchant punch de fin. Ben, c'est de même, c'est fini, hein. C'est assemblage requis, ça tombe à plat des fois, hein. Ben, non, c'était fort cette semaine. Ben, je trouve. D'habitude, je suis très sévère envers les instants classiques. Je me dis, il me semble que ça valait pas la peine de faire 8 minutes de ça, comme mettons la semaine passée. Ouais. Mais cette semaine, wow, qu'il s'en est passé des bonnes choses, hein. Ah, c'était une belle semaine, productive. Pas grâce à moi, mais grâce à tous les collaborateurs de l'émission, la belle équipe. Moi, Jasmine, je la trouve tellement drôle. Elle est très pince sans rire. Oui, c'est ça que j'aime. J'adore ça. Wow. Elle est très drôle, mais... ouais. La mélamine. Comme, tu m'y insu, tu vois, tant qu'à faire des blagues, fais des blagues basse d'un très drôle. Ouais. On l'aime, Jasmine. On adore Jasmine, on adore Anne-Julie, on adore Simon, Bruno qui est venu nous voir, toi, Steph, tout le monde, Simon Fitzbé, est-ce qu'on l'a dit? Oui, c'est Alexandre Carignan, tout le monde. François Landry, je pense pas. T'as pas eu David. Là, David Ferron. Pierre. La Forge Bourret. Ah, Jean-Philippe, les petits bois Charbonneau. Le chanteur ou... OK, non, je me trompe avec le palmarès, là. Ah oui. Et c'est tabarouette, hein, c'était long. Tu vois, quand je parle de tomber à plat, ça marche des palmarès, c'est fou aussi. Parce qu'on est là! OK, oui, ben en fait, assemblage requis, palmarès, c'est fou, t'as pas la même chose. On s'entend? Sauf la case horaire. Moi, ça ressemble un peu. T'es pas mal là, moi, je suis pas mal là, j'en fais pas mal là. En fait, Jean-Philippe, tu sais, là, il est pas là au palmarès, c'est fou. Mais... Oh! Peut-être que cet été, peut-être que... Hein? On espère, on annonce rien parce que c'est pas officiel, mais on part des rumeurs. On part des rumeurs. J'ai entendu dire que cet été, Assemblage Requis et les palmarès c'est fou, non seulement ça se ressemble, mais ça va être pas mal la même chose, là. Hein? When to become one, là. When to become one. C'était qui, les Spice Girls? Les Spice Girls. I need someone. Non, ok, non, c'est beau. Together forever. J'embarquerai pas là-dedans. C'était bon, les Spice Girls. Hein. Moi, j'aimais ça. Moi aussi, j'étais fan. Ma soeur était fan, tu sais. Fait que moi, j'étais fan de leurs atouts. Leurs attributs. Ouais, le toupette rouge à Ginger. Non, en fait, c'était pas Ginger, pas en tout, celle que j'aimais. C'était, il y avait la petite blonde qui est vraiment pas mal cute. Posh Spice, Victoria. Oui. Pas mal cute. Mel B, oh yeah. Finalement. Pas mal ça. Hein? Pas mal tout sauf Sporty Spice. Pas mal ce que ça veut dire. Sporty Spice, moi, non, les sports, depuis la jeunesse. Mais c'était la seule qui savait chanter. Ah, ben que veux-tu, c'est pas pour ça que je les écoutais.